Les petites histoires de Tell Me. Bonjour, bonsoir, c'est Mathieu. Aujourd'hui, je vous propose une histoire bonus. Professeur Goupil est amoureux. Un album jeunesse de Loïc Clément et Anne Montel, publié chez Little Urban dans la collection Premier Roman. L'histoire est racontée par Mathieu Farcy. Bonne écoute. Professeur Goupil est amoureux. L'autobiographie. Le professeur Goupil vit dans sa très grande maison, entouré de ses nombreux amis. Avant, il était chercheur et habitait tout seul. Mais ça, c'était avant. Depuis, il adore partager son temps avec les autres. Il a même décidé de cesser de travailler sans arrêt pour profiter un peu plus de la vie. Désormais, il cherche un loisir pour occuper ses nuits. Mais impossible de trouver lequel. Incapable de réfléchir correctement, il ne fait que penser à sa nouvelle voisine, Akiko. Il se pose des tas de questions. Est-ce qu'elle préfère le chocolat blanc ou le chocolat noir? A-t-elle déjà regardé des vieux dessins animés en mangeant des gaufres chantilly? Est-ce que, comme lui, elle adore se tremper sous la pluie en sautant dans la boue? Goupil se dit qu'il pourrait peut-être lui rendre visite et lui raconter sa vie passionnante aux mille aventures farfelues. Il lui suffirait de tout noter dans un carnet pour être sûr de ne rien oublier et le tour serait joué. C'est ainsi qu'il décide d'écrire ses mémoires, sa vie, son œuvre, son autobiographie. Lorsque ses copains, les petits animaux, découvrent son projet, ils sont particulièrement excités et décident que, chaque soir, après le dîner, le professeur va raconter un chapitre de sa vie. Ils trouvent cette idée drôlement chouette. Après l'histoire, ils se feront border dans leur lit avec un bisou, juste avant d'éteindre la lumière. Pour sûr, ça va les rendre encore plus heureux que le jour où ils ont essayé de boire de la limonade avec une paille par les trous de nez. Allez. Il ne reste plus qu'à écrire. Une simple formalité pour Goupil. Pourtant, une fois devant son carnet, le professeur se rend compte d'un petit souci. Il a beau essayer de réfléchir de toutes ses forces, il ne parvient pas à maîtriser ses pensées qui s'envolent toujours ailleurs. Au son du tic-tac de l'horloge qui rappelle les heures qui passent, Goupil n'arrive pas à se concentrer suffisamment pour trouver des souvenirs. Trop tard pour faire machine arrière. Maintenant que tous ses amis attendent les récits de sa vie, il ne souhaite pas les décevoir. Ainsi, il décide de remplir les vides de sa mémoire avec des éléments parfaitement inventés. Ce soir-là, par une nuit sans étoiles, alors que les animaux sont réunis dans leur chambre, calfeutrés sous la couette de leur lit superposé, Goupil entame donc le récit de sa fausse autobiographie. La fois où le professeur a affronté des pirates pour sauver une jeune fille qui lui servait de maman. Cette histoire s'est déroulée lorsque j'étais enfant. À cette époque-là, j'avais décidé d'arrêter de grandir et je vivais sur une île uniquement accessible en volant. Deuxième étoile à droite, puis tout droit jusqu'au matin. Je volais drôlement bien d'ailleurs, mieux qu'un oiseau. L'île était au milieu de nulle part, presque entièrement recouverte de forêts et entourée de lagunes aux sirènes. Je partageais ma maison avec d'autres enfants ainsi qu'une fée plus mini qu'une petite cloche. Depuis peu, une jeune fille nous avait rejoints avec ses frères afin de recoudre nos pantalons, nous raconter des histoires et nous border le soir. Tous ensemble, nous nous amusions sacrément et nous passions beaucoup de temps à affronter les pirates et leurs terribles chefs. Ce gaillard était un adulte effrayant qui m'en voulait beaucoup depuis que je lui avais coupé une main lors d'un duel à l'épée. D'ailleurs, pour se venger, il kidnappa tout le monde. Je filais alors comme le vent afin de délivrer mes amis avant qu'ils ne soient jetés par-dessus bord ou pire, enrôlés comme pirates. Je croisais le fer avec le capitaine sur son bateau dans un combat sans merci, et vous ne devinerez jamais comment périt mon vaillant adversaire. » Contre toute attente, les animaux, jusqu'ici bien attentifs au récit de Goupil, explosèrent de rire. Pourquoi donc s'est-il arrêté en plein moment de suspense ? L'un de ses petits compagnons, très amusé, lui explique alors qu'ils ont bien compris que tout ce récit a été inventé. En aucune façon, il ne s'agit là d'un chapitre de sa vie. En effet, tout le monde connaît l'histoire de Peter Pan, Wendy et des enfants perdus. Le combattant qui a perdu sa main dans un duel n'est autre que le capitaine Crochet. Ils ont tous lu le livre de James Matthew Barrie et savent bien qu'à la fin, le pauvre pirate finit mangé par le crocodile. Quel plaisantin, ce professeur ! Faire croire qu'il est Peter Pan, c'est drôlement amusant ! Goupil décide de faire comme si tout cela n'était en effet qu'une farce. Après avoir promis que, fini les bêtises, il racontera le lendemain un vrai chapitre de sa vie exceptionnelle, il borde et embrasse tout le monde pour garantir de beaux rêves. Puis il retourne à son bureau afin d'écrire la suite, ou plutôt le vrai début de ses mémoires. Il se creuse la cervelle longtemps. Très longtemps. Mais rien ne vient. Le lendemain soir, par une nuit sans étoiles, alors que les petits animaux sont à nouveau réunis dans leur chambre, calfeutrés sous la couette de leur lit superposé, Goupil entame un nouveau chapitre de sa vie. La fois où le professeur a eu bien du mal à couper un arbre. Je suis un grand scientifique, mais sachez qu'il n'en a pas toujours été ainsi. Mon père était un bûcheron et il m'a transmis son savoir lorsque j'étais jeune. À la mort de mes parents, je fis une demande en mariage à la jeune fille qui occupait mes pensées. Elle promit de m'épouser dès que j'aurais gagné assez d'argent pour construire une grande maison. Je m'attelai donc au travail comme jamais je ne l'avais fait avant. Malheureusement, cette fille vivait avec une vilaine vieille femme qui ne voulait pas entendre parler de nos épousailles. Elle voulait que ma promise reste chez elle pour lui faire la cuisine, le ménage et des massages des pieds. Elle alla donc voir une méchante sorcière qui vivait à l'est pour lui demander d'empêcher notre union, et un sort fut ainsi jeté. Un jour que je coupais du bois, ma hache me glissa des mains et me trancha la jambe gauche. Ouh ! Heureusement, j'eus la bonne idée d'aller à cloche-pied voir un artisan ferblantier pour lui demander de m'en fabriquer une nouvelle en métal qui fonctionna très bien. Le lendemain, ma hache glissa à nouveau et me coupa cette fois la jambe droite. Aïe ! Je retournai donc voir immédiatement l'artisan qui me fabriqua une autre jambe en fer blanc. Lorsque la hache ensorcelée me coupa les bras l'un après l'autre, double aïe, je ne me laissais pas décourager et les fis remplacer par des bras métalliques. Alors la méchante sorcière fit glisser ma hache qui me coupa la tête. Ouïe ! Et ce coup-ci, je crus bien ma dernière heure arriver. Fort heureusement, le ferblantier est passé par là, dans la forêt, et il me fit une nouvelle tête en fer blanc. Je l'avais échappée drôlement belle. Et alors que je croyais avoir triomphé de l'horrible sorcière et que je travaillais plus dur que jamais, ma hache glissa à nouveau et me coupa en deux. Cette fois encore, le ferblantier vint à mon secours et me fabriqua un corps en fer blanc. Hélas, mille fois hélas, je n'avais désormais plus de cœur. C'est ainsi que je perdis tout mon amour pour ma future femme, et cela m'était devenu bien égal de l'épouser ou non. Professeur, professeur, l'interrompit l'un des animaux, est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez pris la route pour la cité d'Émeraude afin de demander au magicien de vous donner un nouveau cœur ? Les petits animaux ont tous reconnu l'histoire du bûcheron en fer blanc du magicien d'Oz. Inutile de poursuivre le récit. Goupil est démasqué. Quel plaisantin, ce professeur tout de même. Après avoir promis que, fini les blagounettes, il racontera le lendemain un vrai chapitre de sa vie exceptionnelle, le professeur borde et embrasse tout le monde pour garantir de beaux rêves. Puis il retourne à son bureau afin d'écrire la suite, ou plutôt le vrai début de ses mémoires. Il se creuse la cervelle longtemps, très longtemps. Mais rien ne vient. Le lendemain, par une nuit peu étoilée, alors que les animaux sont comme chaque soir, réunis dans leur chambre calfeutrée sous la couette de leur lit superposé, Goupil raconte un chapitre de sa vie. Il ne le sait pas encore, mais il est très attendu par ses amis, qui veulent cette fois connaître sa vie véritable. La fois où le professeur a dit la vérité. Vous ai-je conté ce chapitre formidable de mon existence alors que j'exerçais le métier de chapelier ? Ce jour-là, je pris le thé avec un lièvre et une jeune fille et... Inutile de continuer, professeur, l'interrompit l'un de ses petits compagnons. C'est un passage d'Alice au pays des merveilles. Certes. Certes. Et cette fois où j'ai sauvé une jeune hindoue du bûcher au cours de mon voyage autour du monde, enchaîne-t-il. C'est Phileas Fogg, dans le tour du monde en 80 jours, professeur, lui répond un autre animal. Ces duels contre les hommes du cardinal pour retrouver le collier de la reine, tirés des trois mousquetaires, ces poèmes à la belle Roxane, ceux de Cyrano de Bergerac, quant au passage avec Guenièvre protégé par le roi tenant Excalibur, ce fut le dernier cité par le professeur. Il faut se rendre à l'évidence, ce soir-là, comme les précédents, Goupil ne trompe personne. Lorsque ses amis lui demandent de narrer cette fois-ci un chapitre réel de son incroyable existence, Goupil leur répond sincèrement. Il a essayé maintes et maintes fois de se concentrer pour écrire sur sa vie, mais son esprit vagabonde toujours ailleurs. Lui qui a toujours été appliqué et méthodique a, ces derniers temps, la tête perdue dans les nuages. Impossible donc pour lui d'écrire une ligne de ses mémoires sans mémoire. Un des petits animaux, le plus attentif d'entre tous, réagit en qualifiant Goupil de « pas très malin ». Si le professeur ignore la raison de son émoi actuel, le motif paraît pourtant très évident. Il est cependant très tard et tous tombent de fatigue. Ils décident donc d'un commun accord qu'on verra tout ça demain. La priorité est donnée au bordage et au bisoutage. C'est maintenant l'heure des beaux rêves. Le lendemain, lorsque le soleil est au zénith, le fin mot de l'histoire sonne au portail de la maison de Goupil. Le professeur se dépêche d'ouvrir la porte. Et quelle n'est pas sa surprise lorsqu'il trouve Wendy, la promise, Alice, Aouda, la reine, Roxane, Guenièvre, Akiko, sa belle et souriante voisine. Après qu'il l'a fait entrer, elle lui explique que ses compagnons sont venus la trouver au petit matin pour l'informer de la situation. Le professeur n'est plus lui-même ces derniers temps parce qu'il pense tout le temps à elle. Il se trouve que depuis leur première rencontre, elle-même a perdu l'appétit, le sommeil et la tête. Elle s'est donc dit que peut-être ils pourraient trouver ensemble une solution. Après tout, il semble chacun être la cause du problème de l'autre. En grand scientifique, Goupil admet que cette proposition est tout à fait rationnelle. Il accepte donc avec ravissement. On dit qu'assis autour d'une tasse de thé, alors qu'ils étaient fascinés l'un par l'autre, Akiko a répondu aux nombreuses questions de Goupil, puis elle l'a prié de parler de lui. Le professeur a alors enfin retrouvé la mémoire et lui a tout dit. Quant à Akiko, elle a certainement fini par retrouver l'appétit et le sommeil, puisqu'il paraît qu'après un grand dîner, elle est restée pour la nuit chez Goupil. Une nuit pleine d'étoiles, de bisous et de bordages de lit qui garantissent les beaux rêves. L'histoire vous a plu ? N'hésitez pas à me le dire par mail, Facebook ou sur Instagram. Et si vous avez envie de lire les aventures du professeur Goupil, vous trouverez les références de l'album dans les notes de l'épisode. À bientôt !